Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Only Rock, l'émission rock, la passion du rock sur le web. C'est dans Web Passion, dans l'émission Only Rock, donc on est ensemble jusqu'à 19h. Il est 7h31 minutes passées et le générique commence tout de suite. Émission en Irak sur les chapeaux de roue, c'est parti pour 1h30 de musique. Forcément, je vais vous emmener du côté de la France, du côté de l'Angleterre avec Karl Barat. On va écouter aussi du monsieur Jacques Higelin. On aura du Canadien également, on aura de l'Américain, on aura des Espagnols. Mais est-ce que ce sont vraiment des Espagnols avec leur nom on peut en douter. Il y aura aussi des Australiens. Bref, de l'Orléanais également, du Bordelais, du Strasbourgeois, du Parisien, du Berruyer. Bref, une programmation musicale, je vous mens pas, je vous le montre sur les Facebook Live de l'émission Only Rock. J'ai 4 pages de programmation rien que pour vous ce soir. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Si jamais vous m'entendez que je parais un peu loin du micro, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, je vais me rapprocher. On commence tout de suite avec un monsieur qui s'appelle Karl Barat, qui joue avec les Jackals. Alors là, petit clin d'œil à mon ami Jackal et son émission Hot Rods du mercredi sur Web Passion. Donc Karl Barat est un ancien libertine qui sortait il y a quelque temps un album avec son groupe les Jackals, après un premier album solo pour lui. Et sur le titre Glory Days qu'on va écouter tout de suite, on retrouve la plume de notre auteur français qui fait l'actualité en ce moment avec un nouvel album qui est plutôt bien. C'est monsieur Benjamin Biolay qui a participé à l'écriture de ce titre Glory Days, Karl Barat. Et les Jackals, eh bien c'est maintenant, il est 17h36 minutes. Bienvenue dans le Nirox, si vous nous retrouvez. Rock, la passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. Et c'était Karl Barat et les Jackals, le titre Glory Days qu'on vient d'entendre dans Only Rock. Only Rock, la passion du rock sur le web sur Radio Web Passion. On continue avec un artiste français qui nous a quitté il y a un peu plus de 2 ans maintenant, monsieur Jacques Higelin, à l'âge de 77 ans. Mais voilà, en 1985, un album sortait. L'album, c'est Aïe, tout simplement. Album qui avait, double album d'ailleurs, qui avait été enregistré entre 1983 et 1985 dans 3 lieux différents, au Château d'Hérouville, également au Studio Vénus à Longueville, au Studio Mobile Le Voyageur en Espagne. Et ça avait été enregistré par monsieur Laurent Thibault, monsieur Pierre Alessandri et Claude Wagner. Voilà, tout simplement, il existe aussi un vinyle sorti en un tirage limité également de cet album Aïe. Et là, je vous propose d'écouter Serre-moi, Monsieur Jacques Higelin dans Nirock. L'interview d'Only Rock. Eh bien, l'interview d'Only Rock, je vous le dis en exclusivité, même si vous me suivez sur les réseaux sociaux, est prévu jeudi matin à 11h, l'enregistrement au téléphone, on appelle ça un phoneur tout simplement. L'interview de Romain Humeau pour son dernier album qui est sorti le 18 septembre dernier, Echo. Donc, je vais m'entretenir avec Romain. C'est à chaque fois un super bon moment parce que la dernière fois que je l'ai interviewé, c'était il y a 2 ans pour la sortie de Stupor Machine pour Eiffel. Donc, prochaine interview, Romain Humeau pour son album Echo. Et elle va être calée également dans la semaine, l'interview de Victor, le chanteur et créateur, fondateur du groupe de l'Est de la France, Dirty Deep. Voilà, on écoutera quelques morceaux de ces deux artistes que j'aime beaucoup dans l'émission. Pour l'heure, je vous emmène du côté du Canada, rien que ça. Et oui, certains le disent vulgaire, d'autres le disent injurieux, mais ces gens n'ont-ils pas raison? Quoi qu'il en soit, après 20 ans de carrière solo, mon oncle Serge est toujours bien actif sur la scène québécoise et européenne. Le douteux personnage fait paraître son premier album en 1997, donc au siècle dernier, hein. Le disque est un ramassis de chansons de mauvais goût, écrites pour une vulgaire station de radio communautaire de l'Est de Montréal. La clientèle pauvre qu'il vise, eh ben elle est ravie, comme elle n'a pas les moyens d'acheter le CD. Mon oncle Serge en vend donc très peu. Mais peu importe, le sacrament s'accroche et fait paraître deux autres albums en moins d'un an. C'est ainsi qu'à force de travail acharné, de manœuvres vaguement légales et de chances inouïes, l'oncle connaît un succès inespéré qui va grandissant au fil des années. Il compte aujourd'hui pas moins de 12 albums studio. Ses collaborations avec les métalleux d'Anonymous ont été particulièrement fructueuses, faisant de lui une figure respectée chez les ours mal léchés du Québec et même d'Europe francophone. Et oui, ce monsieur-là, mon oncle Serge, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années dans un café-concert à Tours et il m'avait tout simplement mis une claque tant ce monsieur est un régal. On écoute un titre sorti en 2011 sur l'album « Ça, c'est de la femme ». Le titre, c'est « Le Joual ». Forcément, c'est du patois québécois. « Le Joual », c'est mon oncle Serge dans « On the Road ». Toi, tu connais-tu la parole populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des chambres pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international, moi, ce que je parle, c'est le joual. C'est beau le joual. C'est sa coche, c'est beau le joual. Ostique sa torche, c'est beau le joual. C'est malade mental, fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le choix, faut qu'il y ait dans ta tête. C'est beau le choix, c'est l'un des deux. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. Le choix, c'est un diamant en plywood, gossé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude, des côtes de la langue française. Le choix, c'est des sacs en masse avec des mots anglais juste à bonne place comme hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs. C'est beau le joual, ça garoche. C'est beau le joual, ça clenche en masse. C'est beau le joual, ça fesse dans le dash. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual, on va ouest, on va ouest. C'est beau le joual, et si tu veux la guerre. C'est beau le joual, ben tu vas la ouest. Ouh là là, je ressors les vieux jingles du grenier. Only Rock, c'était un jingle de mes débuts. Et on continue notre balade musicale à travers le rock avec un groupe qui s'appelle Mars Volta. Alors suivez-moi, hein, parce que là, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce groupe et il y a quelques rebondissements. Tel un phénix de Mars Volta est né des cendres du talentueux et inspiré combo d'El Paso au Texas, At The Drive-In. Okay, les musiciens de ce groupe se sont séparés en deux. En 2001, pour créer d'un côté Sparta et de l'autre ce Mars Volta. Nous retrouvons la tête de ce dernier, Cédric Bixler et Omar Rodriguez Lopez, respectivement chanteur et guitariste dans At The Drive-In, et leur insatiable appétit créatif. En 2005, le groupe nous revient avec Frances The Mute, leur troisième album donc, véritable achèvement d'une réputation d'ovni musical et de talent pur, et nous savons à présent que nous sommes en présence d'un très grand groupe, les amis. Alors, on en profite, on écoute Miranda That Ghost Just Isn't Holy, et c'est rien que pour vous. I think I'll become Mars Volta, les amis. Si ça, c'est pas une claque, si c'est pas un ovni musical, alors là, je donne ma chemise. On continue avec deux titres, rien que pour ça, parce que c'est pour vous, voilà, c'est cadeau aujourd'hui, c'est pour vous. Deux titres du groupe Los Disidentes del Suicidio Motel. Alors, à l'écoute, comme ça, on va se dire, oh là là, c'est un groupe mexicain, péruvien. Qu'à cela ne tienne, je vous raconte un peu l'histoire brièvement, quelques mots. L'histoire, mais pas tout à fait vraie, de Los Disidentes del Suicidio Motel débute en mars 2005, lorsqu'au détour d'un motel de Santa Fe, voyez déjà, Billy et Johnny se croisent de manière fortuite et découvrent qu'aucun des trois ne sait quoi faire de ses 10 doigts. Alors après une demi-seconde de réflexion, le trio se lance à corps perdu dans une folle équipée, toute simple, monter un groupe de rock et avaler l'asphalte jusqu'à ce que mort s'ensuive. Rien que pour ça, je vous en propose deux titres de Los Disidentes del Suicidio Motel. We'll be right back. Radio Web Passion, il est 18h. Bonne soirée. Il est 18h passé de 2 minutes à bord de Radio Web Passion. On est toujours dans Only Rock. Et puis je vous donne quelques dates de concerts à venir parce qu'il y en a encore quelques-uns malgré tout. Mais certains sont proches, d'autres un peu lointains. Par exemple, le 18 juillet 2021, on aura à l'Hippodrome de Longchamp le groupe Pearl Jam. Les places commencent à partir de 79€. Mais par contre, demain, 7 octobre, le groupe bordelais de Valence, précisément Dionysos, jouera au Krakatoa à Mérignac. Le 9 octobre à Perpignan, au Mediator. Bref, il y a encore des concerts qui se passent. Et puis, tout près de nous, au Café Pop, ça se passe à Blois. Le groupe de Talsy, Red Daff, jouera le samedi 17 octobre à 19h30. Alors, les places sont limitées au Café Pop. Donc, il faut mieux pré-réserver par SMS au 06 21 67 08 87. Red Daff au Café Pop, ça se passe samedi 17 octobre. On continue notre parcours musical avec, je vous l'avais dit, un deuxième titre de Los Disidentes del Suicidio Motel dans Only Rock. Radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et on va du côté de l'Australie avec les Hoodoo Gurus. Alors c'est un groupe qu'on a déjà entendu dans l'Irock. On va écouter un titre sorti sur l'album What's My Sin. Le titre c'est What's My Sin et l'album c'est Electric Soup, album de single paru en 1992. Alors Hoodoo Gurus, c'est quoi? C'est un groupe de rock australien fondé en 1981, voilà, au siècle dernier, à Sydney. Sa formation emblématique comprend le chanteur et guitariste Dave Faulkner, le bassiste Clyde Bramley, remplacé par Richard Crossman en 88, le batteur Mark Kingsmill et le guitariste Brad Shepherd. Au-delà de leur succès dans leur pays d'origine, donc l'Australie, ils connaissent une popularité importante sur le campus américain dans la deuxième moitié des années 80, période qui voit les albums Mars Need Guitars et Blow Your Cool et Magnum Cum Laude se classer dans le Billboard des 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Electric Soup, le single collection, est le premier album de compilation produit par Australian Rock Group Hoodoo Gurus, qui contenait tous leurs singles australiens mis à jour en septembre 92. Et ben voilà, maintenant assez parlé, je vous laisse écouter What's My Sin. Wondering lately, oh baby, tell me where have you been? Now the stage is set, where's my Juliet, baby? Is it maybe mine or some nice dream? What's my scene? What's my scene? What's my scene? Tell me what's my scene? What's L'interview d'Only Rock. Je vous le disais, Dirty Deep, l'interview se prépare dans le courant de la semaine. J'espère avoir Victor au téléphone prochainement. En attendant, je vous donne quelques nouvelles de Dirty Deep, puisqu'une date vient de tomber et grand bien leur fasse. Hein. Dirty Deep jouera le vendredi 16 octobre au Nancy Jazz Pulsation. Ça se passera à la Maison des Fêtes et de la Culture, donc à Nancy, le 16 octobre. Rien que pour vous, je vous mets l'eau à la bouche et on écoute tout de suite un titre sorti sur leur album Unplug Four Shots. Le titre, c'est Rose et c'est rien que pour vous, c'est maintenant, c'est Dirty Deep. Passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. On vient d'écouter Dirty Deep dans Only Rock. On enchaîne avec un titre un peu plus politique. On écoute Carte de séjour. Ça se passait en 1986 avec son titre, cette reprise de Charles Trenet, Douce France. On ne peut pas nier la dimension politique de la reprise hein, de cette chanson. Personne ne peut enlever à ces jeunes Français de l'époque la légitimité de chanter à leur tour les souvenirs familiers de leur enfance et de la douceur de leur pays. Mais à l'époque, de quelle France parle-t-on ? Jamais le nouveau visage de la France n'était apparu avec autant d'éclat et d'évidence qu'à cet instant, voilà, dans le paysage musical français. Et on peut dire à l'époque que le choc fut alors salutaire, puisque le quart de séjour a ouvert une voie musicale à de nombreux artistes, à de nombreuses hybridations entre rail et rock. Et cette version sensuelle et vitaminée de Douce France deviendra le symbole d'une jeunesse métissée et antiraciste à l'époque, l'hymne de la génération « Touche pas à mon poste ». À mon pote, pardon. Oh, le lapsus de merde que je viens de faire. « Touche pas à mon pote », bien évidemment. On écoute tout de suite Douce France, carte de séjour avec forcément Monsieur Rachid Taha au chant. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. www.radioweb-passion.com. Comme ça, vous ne pouvez pas nous rater sur la radio. www.radio-webpassion.com et sur les applications, sur les smartphones Android. L'application est gratuite, donc vous n'avez plus d'excuses pour nous écouter. Et quelques émissions à prochainement à la radio. Bien sûr, les amis, je vous dis ça tout de suite. Hein. Demain soir, 18h. Hot Rods avec notre ami Jackal que je salue, suivi le jeudi à 18h de la Brocante du Rire avec Dominique que je salue bien bas. Vendredi, il y a les lives de JRM, je crois, avec Jay ensuite au platine. Samedi après-midi, les après-midi de Kylian, et puis on retrouve Patrice le dimanche matin, et puis notre ami JP là, jeudi après-midi, vendredi après-midi, je crois, et puis surtout, surtout JP le lundi soir, 21h-23h pour... ça swing pour du jazz, du bon, bon jazz avec notre ami JP. On continue avec un grand, grand monsieur américain, du rock américain. Alors là, j'avais déjà programmé il n'y a pas longtemps cet artiste-là. Bien sûr, je veux parler de Bruce Springsteen. Mais c'était pour faire un petit clin d'œil à notre ami Donald Trump qui est sorti de l'hôpital hein, suite après avoir été testé positif au Covid. Bon, bah malheureusement, il s'en est sorti. Hein. Malheureusement, il a pu sortir de l'hôpital. Hein, je dis malheureusement parce que c'est pas ça que je lui souhaitais. J'en bafouille hein, quand je parle de lui. L'émotion m'étrangle et j'en bafouille. Hein, notre cher Donald. Et puis bah comme je l'ai vu une petite vidéo là quand il est sorti de l'hôpital dans sa voiture avec sa casquette et son masque, il a fait un petit coucou par la fenêtre. Il avait l'air tout penaud, Donald. Donc hein, je lui souhaite un bon rétablissement. J'espère qu'il va se remettre bien vite, hein, puis qu'il va peut-être partir dans une maison de repos, très loin de Washington, pour se mettre au clair, hein, pour se remettre un peu les idées en place. J'aimerais bien que ça se passe bien. Et que, pourquoi pas, en novembre, quand les Américains et les Américaines vont aller aux urnes, bah, cette fois, ils votent un peu mieux que ça, quoi, hein, quand même. Allez, pour la peine, je vous impose Born in the USA, c'est monsieur Bruce Springsteen. Till you spend half your life. Branchez votre radio sur www.radioweb-passion.com. Et oui, un petit blanc en radio, ça fait jamais de mal, ça repose un peu les oreilles. Je voulais vous parler maintenant des vents passe, hein. Je viens de voir sur les réseaux sociaux qu'ils viennent de communiquer avec une photo des 5 membres des vents passe assis dans les transats en disant bah, le virus, quand est-ce qu'il se casse? On aimerait bien jouer, nous, on attend maintenant, hein. Alors les vents passe, c'est qui? C'est un groupe qui se forme en 83 autour de Didier Vents passe, hein, de son vrai nom Didier Chapdelaine. Il est né de parents communistes le 19 février 62 à la clinique des Métallos à Paris. Ça ne se refait pas, hein. Vous savez qu'il bosse à la RATP ce monsieur. Toujours, hein, malgré son groupe les Vents passe, il bosse toujours à la RATP. Mais voilà, après avoir découvert le punk en 1977, donc à 15 ans, il en fait sa raison de vivre, tout en ayant une idole depuis toujours, qui se nomme Mike Brandt. Voilà, l'être humain est toujours contrit de contradictions, et Didier Vents passe n'échappe pas à la règle. Donc là, je vous propose un titre qui est sorti en 2004 sur l'album Never Trust, un album live. Et le titre que l'on va reconnaître tous, c'est bien sûr Manu. De Normandie, on répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Sao, je partirais en vacances au mois jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au mois jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie, comme le dit ma grand-tante Marie. Mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas un beau chapeau. Et j'irai en vacances seulement à Salon. Et j'ai pas de la classe comme Didier Vents passe. Je resterai pour les vacances tout seul avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille de Manu Sao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque, la Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à. Merci Didier. Numéro 30. Et voilà, il nous reste 30 minutes à passer ensemble, toujours à bord, comme dirait notre ami Jean, l'animateur de Cœur de Johnny, à bord de Radio Web Passion. On est bien ensemble dans Only Rock. Le slogan d'Only Rock, c'est simple, c'est la passion du rock sur le web. Eh bien, ça se passe ici, à Radio Web Passion. Qu'à cela ne tienne, si vous en doutiez, eh bien, pas de problème. Vous me haïssez. Parce que je m'amuse. Vous me haïssez. Et moi, je vous emmerde. Ça, c'est bien vrai. Allez, on peut rigoler. Prenez ça au second degré, bien sûr. Parce que, bien sûr, moi, je vous aime tous, évidemment. Allez, on continue notre parcours musical. Parce que dans Only Rock, bah, on fait du sport. On fait un vrai parcours. Et là, je vous emmène du côté de Paris. Parce que je voulais vous faire découvrir un groupe Jack the Ripper. C'est un groupe de hard rock français, originaire donc de Paris, comme je vous l'ai dit. Il est formé en 1995, mais en 2008, il se met en pause. Et les musiciens du groupe se consacrent à un nouveau projet qui s'appelle The Fitzcarraldo Session. Le nom de ce groupe viendrait de la chanson éponyme de Nick Cave and the Bad Seeds. Groupe d'ailleurs de Nick Cave qui constitue une grande part de leurs influences. Donc là, je vous propose I Was Born a Cancer. C'est sur l'album Ladies First, sorti en 2005. Jack the Ripper. Captain said you have a cancer of the lungs. They say, man, smoke tobacco. Say, man, smoke tobacco. Say, man, smoke tobacco. It's a divine holocaust. They say, man, smoke tobacco. Say, man, smoke tobacco. Say, man. Oh my God. You ask me why do you smoke, but you talk. And you never have a look at the clouds. You see in heaven, angels smoke too. They do get bored, baby, like me, like you. And if it's not stress, I guess, it must be happiness that make them sing those lovely SOS. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. I was raised, I was oppressed. I feel pain, I feel dread. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. Marlboro, Marlboro Lights, Daniel Cole, Lucky Strike, Camel Blind, Craveny. Was blown. That's a magic. Oh, you tell me it's suicide. It's true, we don't have so much time to start a cure of this intoxication. But it's so hard to be a modern, to be a careful with your health. I'm not a sportsman after all, drug of the body. Destroy the soul, yeah, the soul. Was born a cancer. Jack the Ripper, tout de suite dans Only Rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. Et on continue avec le groupe orléanais La Jarry qui vient de publier sur sa page Facebook un rendez-vous qu'il vous donne demain à tous et à toutes à 16h. Le groupe La Jarry sera en direct sur le Facebook Live de sa page pour vous donner des nouvelles de l'album qui vient de se terminer au niveau des studios, de l'enregistrement et du mastering et du mixage. Voilà, ça c'est fait. Ils vont vous parler aussi des projets qu'ils ont d'ici la fin de l'année. Donc demain, mercredi 7 octobre à 16h, La Jarry en direct sur sa page Facebook. Et voilà, je vous laisse avec un titre de leur précédent EP, Babylon. Et c'est sorti en 2018 et on écoute La Jarry dans Only Rock. Je suis un automate. Babylone. De complexité, tant de strass et de stress, de paillettes, je suis ébouriffé. Je suis comme Ponce Pilate, mais je n'y comprends rien. Et mon rêve est parti en fumée, un petit tour, et s'en vient, et s'en vient, et s'en vient. Si un jour tu m'abandonnes, dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne. Dans les rues de Babylone, le temps passé passe encore. Babylone, tu es mon psychopathe. Et même si ton silence est d'or, tu m'abandonnes dans les rues de Babylone. Je ne verrai plus personne dans les rues de. L'interview d'Only Rock. Ça sera Romain Humeau qui sera enregistré jeudi prochain, jeudi 11h. J'enregistrerai l'interview que je ferai avec Romain Humeau pour la sortie de son album Echo. Alors, qui est Romain Humeau? C'est tout simplement un auteur, compositeur, chanteur, multi-instrumentiste, producteur, tant sous son nom qu'à la tête du groupe Eiffel. Voilà. Il est revenu le 18 septembre dernier avec un nouvel album intitulé Echo. Un premier single du même nom est sorti avant l'été, hein, le 15 mai dernier. Il est sorti aussi en vinyle 45 tours sur son label Seed Bomb, ce qu'il a créé pour l'occasion. Et l'album Echo est sorti en vinyle, hein, vous pouvez vous le procurer toujours maintenant sur la page de son label, donc Seed Bombs. Je vous donnerai les coordonnées la semaine prochaine. Cette chanson, donc Echo, écrite tout juste en amont de l'album Stupor Machine d'Eiffel, sorti en 2019. Jette un œil du côté de ce que l'on peut tous perdre et dont pourtant nous venons, à savoir Dame Nature. Je vous laisse avec Romain Humeau. Le titre de la séquence qu'on écoute, c'est Echo, et ça donne le nom de son album, sorti le 18 septembre. Tournez planète, on grasse son baiser dans le cou. À nos jouvences et leur fontaine d'oiseaux fous. L'encens est aux lèvres de galaxies en unicorn. Combien t'as monté la sève de toutes parts où l'amour tonne. Ça m'a tout l'air du monde, le feu et l'eau, cinéma, paradiso, beauté là-bas, froufrou les ondes. Auquel le corps font écho. plus insoumis qu'on les cils de nos nuits. Papillonne dans l'éternité. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et ça, c'est un son des 24 heures du Mans que j'avais enregistré lors du passage de Kill the Shade sur la scène d'RTL 2. Pourquoi je vous mets un petit son des 24 heures du Mans? Parce que le 16 octobre prochain, le groupe Eiffel, dont le chanteur, donc Romain Hémot, que vient d'entendre, se produira en concert, et oui, à Alone, à l'espace Jean Carmet, et j'aurai le plaisir d'aller les voir, et pourquoi pas d'aller les saluer en loge. Je vous en dirai plus très très prochainement. Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé. Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé. Voilà, je crois que le message est clair maintenant, hein. Si vous passez à table bientôt, faites attention, surveillez vos fourneaux. Maintenant, on écoute un groupe qui m'a contacté sur ma page Facebook. Et oui, si vous êtes un groupe de rock de France et de Navarre, vous pouvez m'écrire, hein, onlyrockwebpassion@gmail.com, c'est mon adresse mail. Vous pouvez me contacter sur la page Onlyrock l'émission. Et c'est ce qu'a fait Outside, ce groupe de rock, quelque part entre le dernier Bowie et un Pink Floyd moderne. Les cinq membres d'Outside expérimentent depuis 2014 les montagnes russes musicales, alors du prog rock à l'indie rock, du jazz au punk, pour suivre leur propre ligne musicale. Après un premier album en 2016 qui s'appelle Naked, le groupe a sorti le 25 septembre dernier son deuxième album produit, Tumbleweeds, album produit donc par Stéphane Bonacci, qui a entre autres travaillé avec Cock Robin, et masterisé par monsieur Robin Schmidt, qui lui a été récemment nommé aux Grammy Awards. Rien que ça. Donc je vous propose un titre sorti donc sur leur dernier album, Tumbleweeds. Le titre, c'est Fair and Square. Et le groupe qu'on écoute, c'est tout simplement Outside. We'll be right back. Numéro 2. Numéro 2, c'est le nombre de titres qu'il me reste à passer dans l'Irock. Alors, si vous avez aimé ce titre d'Outside, Fair and Square, sorti sur leur dernier album Tumbleweeds, dites-le-moi, faites-le-moi savoir, envoyez-moi un message sur la page Facebook, voilà. Et puis, pourquoi pas, je pourrais éventuellement les interviewer, vous diffuser l'interview d'Outside dans l'Irock. Ce serait avec un plaisir, mais voilà, dites-moi si vous avez envie d'entendre davantage d'Outside dans l'Irock. En attendant, comme je vous le disais, il nous reste donc deux titres à passer dans l'émission avant qu'on arrive tranquillement à 19h. On écoute maintenant les Shaking Mates. Alors, c'est du Baby Jump. C'est le titre qu'on va écouter, Baby Jump. L'album, c'est Rock'n'Roll Preachers. Et si vous voulez écouter davantage de Shaking Mates, vous pouvez retrouver Francis, la voix des Shaking Mates, ce vendredi soir dans l'émission Mavrika, animée par Albino sur Radio Arc-en-Ciel, donc 19h30, 22h30, pour écouter Francis des Shaking Mates. En attendant, nous, on écoute Baby Jump, c'est le titre de ce groupe de la banlieue parisienne. Ben voilà, Baby Jump, c'est Checking Mates, toujours dans l'Irock. On se quitte pour le dernier titre, c'est Blancas. On écoute Si jamais tu passais, une histoire que m'avait raconté... voilà, ma mémoire me fait défaut. Ledoux, chanteur des Blancas, le prénom, voilà, ça va me revenir. Il me racontait cette histoire, c'est voilà. Il avait repensé à un ancien copain d'enfance qu'il avait perdu de vue. Et puis, il avait imaginé cette chanson en disant, tiens, si ce pote revenait 20 ans après, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, c'est l'histoire un peu de la chanson. Guillaume Ledoux, voilà, de Blancas. Pardon, Guillaume, si tu m'entends. Et puis, donc, voilà, une petite info, c'est que les Blancas,

Vous écoutez Radio Web Passion.